Désiré Boukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. La triple taxation dans le secteur de l'hôtellerie reste encore l'un des défis qui bloque les investisseurs et la promotion du tourisme au Burundi, comme soulevé par un expert en fiscalité ce mercredi au cours des états généraux de ce secteur. La direction générale de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, tranquillise que les problèmes liés au manque de fonds et autres matériels dans le travail de collecte de la récolte du maïs ont déjà été résolus, vous l'entendrez. Des parents responsables d'abandon scolaire en province Ngozi subiront une peine d'amende, annonce faite par le gouverneur de la province Ngozi au cours d'une réunion avec tous les responsables de l'éducation de cette province ce mardi. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pénurie de la boisson dite Amstel dans tous les bistrots et de la boisson Primus dans certains bistrots au chef-lieu de la province de Bururi et ses environs depuis environ une semaine, ce qui a déjà provoqué des grognes chez les consommateurs qui demandent que ces boissons soient disponibles. Parmi toutes ces boissons, seule Primus était attendue ce mercredi selon les employés du méga Bururi Zenon Nzambiman. Aucune bouteille de la boisson Amstel 65 centilitres dans les différents bistrots du chef-lieu de la province de Bururi depuis environ une semaine. Faute de cette boisson, certains préfèrent aujourd'hui prendre les boissons royales, Bock ou petite Amstel 50 centilitres. Toutefois, cette dernière, de même que la boisson Primus, sont introuvables également dans certains bistrots depuis le matin de ce mercredi, ce qui a déjà provoqué des grognes chez les grossistes et les commerçants détaillants de ces produits de la Bururi, qui disent qu'ils travaillent aujourd'hui à perte suite à cette pénurie de ces produits. Des grognes qui se font entendre également chez les consommateurs de ces produits de la Bururi, surtout chez les consommateurs de la Amstel 65 centilitres, introuvables depuis environ une semaine. Au méga de la Bururi à Bururi, on indique qu'un camion transportant d'autres boissons à part la Amstel 65 centilitres était attendu ce mercredi. Cette pénurie de la boisson Amstel est également signalée dans toutes les communes de la province de Bururi, comme l'indique les commerçants et les consommateurs de ces boissons contactés par téléphone. Tous demandent à la Bururi de trouver une solution à ce problème. Depuis Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Les activités de collecte de la production des grains de maïs sec se poursuivent dans toutes les zones du pays, malgré quelques difficultés rencontrées, selon Joseph Ndouimana, directeur général de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA en sigle. Il explique que les problèmes de manque de fonds et autres matériels qui s'étaient manifestés ont déjà trouvé une solution. C'est après que certains agriculteurs se plaignent qu'ils ne reçoivent pas en contrepartie les fonds représentant la récolte déposée au service de l'ANAGESA. Suivez Joseph Ndouimana, directeur général de l'ANAGESA. À présent, le problème du millimètre ne se pose plus tant que nous avons des millimètres en suffisance et nous les avons déjà déployés sur le terrain. Et le problème des fonds, c'est juste un problème de procédure. Donc, il y a des transferts de fonds qui peuvent prendre une journée, deux, quelque chose comme ça. Nous estimons qu'aujourd'hui ou demain, donc, les procédures de transfert des fonds seront terminées. Et on espère qu'il n'y aura plus de problème de disponibilité de fonds au niveau même des centres de collecte. Joseph Ndouimana, directeur général de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, sera l'invité dans cette édition dans les dernières minutes. La triple taxation dans le secteur de l'hôtellerie par les services de l'OBR est l'un des défis qui bloque la promotion du tourisme au Burundi. Analyse d'un expert en fiscalité ce mercredi au cours des états généraux du tourisme, expliquant que c'est pour cela que certains investisseurs hésitent s'il s'agit d'investir dans ce secteur. Nicodème Nimenya appelle le gouvernement et le secteur privé de statuer sur cette question. Suivez-le au micro de Sheila Iram. Le Code national des investissements de 2008 qui prévoyait une série de mesures incitatives, notamment le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt qui était défini à cette époque comme une aide financière de l'État à l'investisseur. Nous avons également relevé le cadre fiscal. J'ai cité la suppression du crédit d'impôt qui était de 37%. Cela veut dire que si vous avez bénéficié de Vanadico des investissements, on vous permettait d'amortir les charges, toutes les charges, en convenant de 37%, sauf le véhicule du directeur général, le véhicule qui assure le transport des employés. C'était des financiers de l'État, n'était pas encaissé par l'entreprise ou l'investisseur. C'était une aide financière qui était amortie progressivement par le paiement des impôts. Vous déclarez les impôts, au lieu que l'investisseur touche dans sa comptabilité pour payer, l'administration fiscale enregistrait le montant équivalent année par année jusqu'à épuisement. Malheureusement, cette incitation fiscale a été supprimée avec le Code national des investissements en 2021. Le deuxième blocage, c'est surtout pour le secteur des hôtels. C'est la triple taxation. J'ai parlé de la triple taxation. Pourquoi ? Parce que les lois et règlements ont prévu une licence d'exploitation d'un hôtel. Or, comme pour qu'un hôtel soit réellement qualifié d'hôtel, selon les lois, c'est qu'il faut prioritairement d'abord avoir un restaurant, il faut avoir un bar, avoir une chambre, ça se comprend parfaitement, et une chambre qui répond aux normes. Avant, on payait les frais de cette licence d'exploitation. Et puis, avec la loi budgétaire et l'ordonnance conjointe du ministre des Finances, je pense du 24 août 2023, si j'ai bonne mémoire, et la loi budgétaire de 2023-2024, les deux textes de loi, ces règlements, ont bien spécifié qu'il ne devrait pas y avoir une triple taxation. Or, ce qui est observé aujourd'hui, l'Office mondial des recettes considère qu'aujourd'hui, un hôtel à part, un restaurant à part, un bar à part. Donc ça fait trois types de taxation qui sont considérés comme une triple de taxation qui est prohibée par la loi. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Nous poursuivons avec cette édition sur la page éducation. Tout abandon scolaire entraînera une peine d'amende infligée aux parents responsables en province Ngozi. Une décision du gouverneur de la province Ngozi lors d'une réunion avec tous les responsables de l'éducation de cette province ce mardi. Désiré Minane trouve aussi que les enseignants qui accusent des retards au service devraient être sanctionnés. Mesures prises selon cette autorité pour diminuer le taux d'abandon scolaire et améliorer le classement de cette province dans les examens d'État. Apollinaire Muzagara. Dans son discours d'accueil, le directeur provincial de l'éducation, Jean-Pierre Ndikudiayo, a présenté au gouverneur certaines difficultés qu'a cette province éducative. Il s'agit entre autres des élèves qui continuent à abandonner l'école. Le directeur provincial de l'éducation a également évoqué des enseignants prestant loin du chef-lieu de cette province qui accusent d'importants retards au service en attendant des lifts. Il participe, selon lui, au faible taux de réussite des élèves, sans oublier d'autres difficultés qui les empêchent d'atteindre l'objectif. À propos des abandons, le gouverneur de la province Ngozi demande plus d'efforts à l'administration territoriale et éducative à la base dans l'identification des parents qui sont à l'origine de ces abandons et de les taxer d'amende. Quant aux enseignants retardataires, le gouverneur Désiré Minani conseille d'abord au directeur d'être de bons exemples et de sanctionner ses enseignants conformément à la loi. Toutes ces mesures sont prises pour diminuer le taux d'abandon scolaire et de revoir à la hausse, selon le gouverneur, le taux de réussite de cette province. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Et sécurité à présent, la redynamisation des comités mixtes de sécurité et le suivi des veilleurs là où ils existent sont certaines actions qui contribueraient dans la lutte contre le banditisme qui prend de l'ampleur en province de Rumonge. Cet appel est de Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, au cours d'une réunion de sécurité de son mardi. Cette autorité provinciale rappelle qu'il faut éviter de se faire justice quand un présumé auteur d'une infraction est attrapé, comme cela s'est récemment produit en commune Ugarama, Jean-Pierre Misago. À côté des cas de viol rapportés dans les ménages et les champs de culture dans divers coins de la province de Rumonge et dont les présumés auteurs sont traduits en justice, des cas de banditisme ont été signalés, mais dans des lieux gardés par des veilleurs. Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, qui présidait cette réunion, a évoqué un vol qui a ciblé le bureau provincial où un ordinateur a été volé et d'autres documents dérangés, et cela malgré que son bureau soit gardé par des veilleurs. Un autre cas évoqué est le vol ayant ciblé le bureau de la branche provinciale de la Croix-Rouge Rumongué, aussi gardé par un veilleur. Il s'agit ici, selon le gouverneur de Rumongué, des preuves qu'il ne faut pas avoir confiance totale aux veilleurs, mais qu'il faut les surveiller rigoureusement. Sur ces cas, le commissaire provincial de Rumongué dit que ces veilleurs subissent des interrogatoires qui, pour ce cas du bureau provincial de Rumongué, devraient aboutir à l'identification d'un probable agenda caché, puisque selon lui, certains objets volés ont été brisés dans la rue d'à côté. Un cas d'une femme tuée après être attrapée dans un champ de patates douces à Routémé, en commune Bougarama, a été également évoqué au cours de cette réunion. Sur ce cas, le gouverneur de Rumongué rappelle que la justice populaire est réprimée par la loi et ordonne qu'une personne attrapée dans une infraction soit remise à l'autorité compétente. Jean-Pierre Misago depuis Rumongué, Radio Isanganiro. Sécurité encore en province et Makamba, certaines personnes sont connues comme ayant un certain art de révéler des féticheurs et guérir des personnes empoisonnées. D'un côté, les populations disent que ces personnes communément appelées Kamchapé ne devraient pas être inquiétées. Mais de l'autre, certains saluent la mesure déjà prise par le gouverneur de Makamba du 21 février, interdisant ces pratiques pouvant perturber la sécurité. Une information que nous devons à notre confrère Élisée Kwizera. Parle, rassure-moi. Les discours globalisants basés sur un passé douloureux peuvent aboutir à des violences de masse, selon des habitants du site de déplacés de Gikomero en commune Erango de la province Kayanza. Au cas où ces discours se propagent, cela a des conséquences sur les générations futures. Mathias Nibitanga, secrétaire exécutif et permanent de la commune Erango, fait savoir que de tels discours ne sont pas légion et l'administration met en avant des conseils plutôt que des sanctions. Mireille Kanyang. Certains de ces habitants de ce site des déplacés de Rango affirment qu'ils entendent encore en 2024 des messages globalisants. Il arrive que quelqu'un ici ait fait une erreur ou qu'il ait volé. Après, on pointe du doigt les habitants de ce site comme des perturbateurs de sécurité. Même si c'est une seule personne, on la prend dans l'ensemble. Ce n'est pas encore fini à 100%. Ce serait un mensonge. Par exemple, vous voyez qu'il y a un site ici. On dit qu'il y a des Tutsis. Lorsqu'on les voit aller dans des champs, ils parlent de cette ethnie. Et s'il y a une malfaçon, on la colle sur leur dos. On peut arriver qu'on ne s'entende pas avec quelqu'un et il te parle de Gihutu ou de Gitutsi et cela persiste chez certains. Pour d'autres, ils vivent calmement ensemble. Cette population pense que cela peut être dû à une mauvaise foi au regard d'un passé douloureux. Une fois que ces discours sont lancés par des responsables des groupes, les communautés les suivent à la lettre. Ce qui présente un danger, estime-t-il. Ceci, disent ces habitants de la commune Erango, a des conséquences néfastes sur de jeunes générations. Si de tels messages sont relayés, ça prend de l'ampleur et ça peut engendrer des divisions sur les ethnies. Cela peut aboutir à des violences, des masses. Si on soupçonne, on peut te faire du mal. Comme conséquence, au regard des responsables preneurs de décision, si les gens de l'autre classe ne sont pas induits en erreur, ils ne peuvent pas faire du mal. gukora ico kintu cyangwa kuvuga ico kintu kugikora niho usanga hari ingorane. Ils appellent ceux qui sont dans les sites sur les collines à cohabiter pacifiquement et aux responsables des groupes d'éviter la globalisation. Mathias Nibitanga, secrétaire exécutif et permanent de la commune Rango, fait savoir que de tels discours ne sont pas répandus dans cette commune. Il appelle cependant les habitants de sa commune, du site des déplacés comme ceux qui sont restés sur les collines, à participer dans des réunions en vue de barrer la route à de tels messages et de construire une communauté apaisée sans risque de violence. À la source, interview. Place maintenant à l'invité du journal, Joseph Ndouimana, directeur général de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA, qui répond aux questions en rapport avec la collecte des grains de maïs. Il est au micro d'Evariste Nzikobanya. Joseph Ndouimana, directeur général de l'ANAGESA, bonjour. Bonjour. Ça fait déjà une semaine que le gouvernement a lancé l'ultimatum de collecte de la production de grains de maïs. Comment se déroule cette activité aujourd'hui? Donc ça fait une semaine qu'a été lancée la campagne de collecte du maïs dans tout le pays. La campagne, en général, se déroule normalement. Avec la fin de la semaine passée, nous avions déjà collecté près de 1300 tonnes de maïs. Donc les centres de collecte se trouvent au niveau de toutes les zones administratives du pays. Ça occasionne bien entendu des efforts considérables en matière de matériel. On passe de plus de 120 centres de collecte à 411 centres de collecte. Est-ce que tout est rose? Il n'y a pas de difficultés déjà rencontrées? Les difficultés dans tout travail, c'est normal qu'il y ait l'un ou l'autre difficulté, mais chaque fois qu'il y a l'un ou l'autre problème, on s'attelle à trouver solution rapidement pour que la campagne puisse se dérouler normalement. Aujourd'hui, des producteurs de maïs sont obligés de vendre à l'ANAGESA ou bien ils ont droit à vendre aux particuliers. J'espère que vous aurez bien lu le communiqué qui a été sorti. Toute autre personne qui veut faire la collecte a droit de faire la collecte pourvu qu'il donne le prix fixé par l'État de 1700 francs le kilo. Donc ce n'est pas l'Agence nationale seulement qui doit faire la collecte. Toute autre personne qui veut faire la collecte, il a le droit de le faire. Deuxièmement, le gouvernement du Burundi n'a pas un objectif commercial. Et c'est un objectif d'abord d'encourager le producteur à investir dans la production agricole en lui offrant donc un prix rémunérateur à sa production. Il a été dit l'année dernière que la production de grains de maïs collectée par ANAGESA a pris dans les stocks. Est-ce que cela est vrai? Les informations qui ont circulé ont été trop amplifiées parce qu'il y a même une équipe multidisciplinaire qui était composée des membres de la primature, des différents ministères du commerce, de l'intérieur, de finances, qui ont fait le tour du pays dans tous les centres de collecte qui avaient ces stocks-là. Ils ont pesé même tous ces stocks. Les résultats qu'ils ont trouvés et les pertes qui ont été occasionnées ne représentaient même pas 3%. Donc, les informations qui ont circulé ont été des informations amplifiées. Joseph Ndouimana, directeur général de l'ANAGESA, merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. Merci également à vous, Evariste Nzikobanya. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Yeah.